Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Avec 2 heures de bon rock progressif, on a beaucoup de nouveautés tout au long de l'émission ce soir. On a une bonne part d'Italiens avec deux nouveautés, certains. On a un bloc scandinave, on va aller au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Québec. Dans cette émission consacrée au rock progressif d'aujourd'hui, on va débuter avec le groupe italien Nathan. Et c'est leur second album. C'est un groupe des années 70. Ils ont commencé dans les années 70, mais le premier album est paru en 2016, Nebulosa. Ça, c'est un album qui s'était classé là, parmi les bons albums de 2016, parmi en tout cas les amateurs de prog italien. Voilà leur second album qui est peut-être plus égal, je dirais, parce que je trouvais que le premier album, là, il y avait les premières pièces étaient un peu moins bonnes. Et celui-là, il est très dynamique, intitulé, qui porte pour titre Era, l'air. Et on ira avec la pièce Figli di Cane. Ensuite de ça, on a une pièce d'Amadriade qui seront au festival Terra Incognita. Ça, c'est la semaine prochaine. Comme vous le savez, vendredi, ça débute avec Laura Mead, qui est la chanteuse de Is, qui sera là, accompagnée de John Galgano et Paul Bremner de Is, pour le lancement de son nouvel album. Et ensuite, hommage à Pink Floyd avec Time for Pink Floyd, avec beaucoup de musiciens d'Amadriade. Le lendemain, un groupe de Trois-Rivières, Circus, qui viendront nous présenter. Là, il y a une avant-première, là, en fin de semaine. Il y avait une avant-première, à Trois-Rivières. Puis là, ils viennent présenter leur nouveau spectacle. C'est des musiciens qui ont commencé aussi dans les années 70. Un album qui n'était pas paru, mais ils ont de l'expérience. Et puis, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Également, Amadriade, donc leur nouvel album, on en avait fait, aussitôt que c'est sorti, je vous en avais fait jouer une première pièce. Puis, pourtant, c'est un très bon album. Il est passé un peu sous notre radar là, jusqu'à maintenant, mais c'est excellent. Amadriade, leur nouvel album de je vous dirai le titre tantôt. ça me vient pas. En tout cas, c'est pas leur. Attendez un peu que je regarde sur ma feuille. The Black Hole, voilà, le trou noir. C'est leur quatrième album. Hein. Leur plus récent, c'était Intrusion en 2010. Mais celle-là, on en aura de larges extraits d'ailleurs au festival. On écoutera là, la pièce So By Your Side de Amadriade et également une nouveauté des États-Unis. Ben, c'est paru en janvier, mais on n'en a pas fait jouer encore. Perfect Beings, et c'est leur troisième album, Veer. Ça, c'est un groupe, pour ceux qui aiment la sonorité Yes, quand même assez moderne, là, vous devrez aimer ça. C'est très varié dans cet album-là. Il y a l'invitation de musiciens, beaucoup de musiciens qui font de l'orchestration classique. Et il y a une recherche sonore absolument incroyable au niveau des sons des claviers, des sons des basses, des mélotrons, tout ça. C'est un album super recherché. 4 longues suites. Qui se décline en peut-être une 17 pièces en tout pour faire les 4 longues suites là. Puis c'est très bon. On aura 2 extraits dans l'émission ce soir de Perfect Beings. Alors on débute avec les Italiens Nathan, ensuite du Québec Amadriade et ensuite Perfect Beings, et je vous parlerai de Terra Incognita la semaine prochaine. Comme vous le savez, il y a Wobbler, il y a Moon Safari de la Suède, Aero Station et Cellar Noise de l'Italie. Alors, on se reparle de ça tantôt, mais on y va avec les Italiens Nathan. insegna la via, appeso a muraglie disegnate nel vento, anima di cane, il sogno e la magia, di libertà antiche naufragate nel tempo. Io sono Bart, prigioniero del caso, discendenza di lupo, misconosciuto scempio. Io sarò angelo e voi figli di cane. Io sarò angelo e voi figli di cane. Tappeto da talloni, la mia fame scorre senza trovare voce. Non sono più il fiume che Cucciolo creava, felicità e sorrisi nel vostro quotidiano. Andrò via in silenzio, senza guaiti atroci. Nessuno piangerà, sperando in un ritorno. Ma tornerò poi un giorno, non saprete come, voi vittime di vostre stupide disgrazie umane. Nel tempo io sarò brackets mixed or muted, a transposition regenerated life. Enter the center, the center, the center. Two and a curl to knob. Root to the crown, bottom to top. Downside down. All it gets ripe and rotated into a woven gem by the wild blue guys. Enter the center, the center, the center. Sitting on the wing, she had to fly. She had to fly. One to the main, one to the. understanding, contra dancing supreme. Marry me in the blue. We'll find the frequency. CKRL. Québec. La mer à boire. Tu aimes la bière et les produits de la mer? La Korigane te propose une dégustation de 6 bouchées de différents produits de la mer en accord avec 6 bières artisanales dans le cadre d'une conférence sur les pratiques et produits de la pêche durable et responsable. Après la conférence, vous pourrez profiter de notre bar à huîtres installé spécialement pour l'occasion. Différentes variétés d'huîtres seront ouvertes devant vous par notre écailleuse professionnelle au prix unique de 2$ l'unité. Ça se passe mardi le 22 mai dès 18h. Pour acheter tes billets, va sur notre site web korigane.ca. La Korigane, boire local, boire artisanal, la mer à boire. Et de retour avec Bruno et Marc et l'émission Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était le groupe américain Perfect Beings. C'est un trio et il y a plein de musiciens invités sur ça. Et comme je le disais, il y a une recherche musicale incroyable. Le choix des instruments, tout ça, c'est très, très, très bon, très symphonique. 4 longues suites. Et lorsqu'on a entendu, c'était le début de la première suite. Les pièces A New Pyramid, puis The Blue Lake of Understanding, une partie de cette pièce-là. Et on aura un autre extrait dans le dernier bloc de l'émission, qui sera un bloc plus symphonique, et également qui se terminera avec une transition avec l'autoroute, avec une vieille nouveauté. Je vous en reparlerai plus tard. Mais pour le prochain, on avait eu juste avant, oui, l'excellent groupe de Montréal, donc du Québec, Amadriad, et leur nouvel album de Black Hole. Et Amadriad, on aura la chance de les voir la semaine prochaine, samedi prochain, au Centre d'art La Chapelle pour le Festival Terra Incognita, 14e édition. Ça sera le samedi. Il y aura également le groupe de la Norvège Wobbler et Circus ce samedi-là. Et le dimanche, il y aura de l'Italie Cellar Noise, Aerostation et Moon Safari de la Suède. Et c'est à ne pas manquer. Également, il y a Arena qui s'en vient le 26 mai. Donc, ça, c'est dans 2 semaines, samedi dans 2 semaines, au Cégep Garneau. Arena qui présente leur nouvel album. Intitulé Double Vision. On aura un extrait un peu plus tard dans l'émission. Et également, qui fête les 20e anniversaires de l'album The Visitor. On sait qu'Arena, bon, c'est quand même leur 9e album, là. Ils ont pas mal d'expérience. Et on aura donc, dans le prochain bloc, une nouveauté italienne d'un jeune groupe. Overture, c'est le nom du groupe, et c'est leur album éponyme, leur premier disque. C'est vraiment musicalement parlant, du début à la fin, c'est excellent. La première pièce, une courte introduction instrumentale. Ensuite, il y a 2 pièces chantées en italien qui sont vraiment très réussies. Et bon, un peu malheureusement, les trois autres pièces de l'album, il a choisi de chanter en anglais. Puis je trouve que l'accent est vraiment terrible et il y a moins de feeling, comme on dit dans le chant, malheureusement. Mais sinon, là, s'il y avait décidé de chanter en italien, moi, à mon avis, tout au long du de cet album-là, ça aurait été un des meilleurs albums certainement de 2018. Overture, c'est vraiment très bon, c'est une découverte, là, ça vient tout juste de sortir. On écoutera la pièce Lux et Umbra. Également, le groupe italien Celluloid, qu'on pourra voir dimanche prochain à Terra Incognita. Celluloid, c'est leur premier album paru en 2017 à Light. On aura Underground Ride, puisque c'est un album qui est inspiré des stations de métro à Londres. Alors, il y a un ride underground. Vous avez compris, c'est le thème de cet album. Et j'ai bien hâte d'y voir en spectacle. Moi, c'est certain là, que ça risque d'être un de mes coups de cœur. Et également, on aura un troisième extrait de l'album de Oak, un album, un groupe dont le nom est Oscillazioni Alchemico Creative. Et ils ont plusieurs albums de réaliser, mais celui-là, là, qui est paru cette année, Giordano Bruno, vraiment, c'est excellent. Moi, je l'adore. C'est un de mes albums préférés jusqu'à maintenant qui sont parus en 2018. On aura la pièce Liber in Tiberi. Puis l'album fait beaucoup de références là, à Jethro Tull, mais pas tellement dans cette pièce-là. Là, mais si vous aimez Jethro Tull, puis le rock progressif où il y a beaucoup de claviers, là, vous allez adorer ça. Oak. Alors, on y va tout de suite avec ce bloc italien de trois pièces. Overture, un nouveau groupe, Cellar Noise et Oak. Ombre regis venuti inferni. mondo senza gloria. Giunti lì al confine, attendevamo la vittoria. To organize carefully their time, wasting their lives on this train. My mind floats between flashbacks and steam. I look into an abyss, exploring the dimensions of void. Am I lost? A place so familiar, becoming so strange. My consciousness then is leaving today for a place I know, a place close to the edge. Yes. Can you tell me where I am? Mirrors reflect a million times, so I start to see. Vision is everywhere. Can you tell me where I'm going? Dreamy dimensions made of colors, save me from the gray I'm in. Save me from the gray. Save me from the gray. Substance has completely disappeared. Can you tell me where I am? Mirrors reflect a million sometimes. So I start to see visions everywhere. Can you tell me? Logical conclusions, but don't be afraid. Logic doesn't exist anymore, and answers. The answer's an onion for me. It's easy. The savior's burning giraffe blinks and checks his melting clock. It's time for tea. Alice is calling. Boston is burning. I have no good reason to stay here and waste my life. So, dive. Dive with me into this dream. We'll be right back. malos clericos, qui sed decorant solitarius faces in face. La formation italienne Oak Oscillazioni Alchemico Creative. C'est leur nouvel album paru cette année, Giordano Bruno. Et c'était la pièce Liber in Tiberi. Et vous avez reconnu le saxophone, le son du saxophone de Dave Jackson. Il était dans Vandergraaf Generator. C'est bien lui. Et il y a également plusieurs autres invités. Richard Sinclair, sur ça, qui a joué avec, évidemment, Caravan puis Camel. Sonia Christina, la chanteuse de Curved Air, qui est sur une des pièces. Il y a un musicien également de Goblin. Et c'est un album, moi, que j'adore, franchement. Là, mais il est pas disponible en CD, seulement en vinyle. Puis ça coûte une fortune, genre 73$. En tout cas, c'est juste que c'est comme un projet probablement qui... Pourtant, il y a plusieurs... j'avais jamais entendu parler de ce groupe-là. Pourtant, il y a plusieurs albums depuis 1993. Alors, juste avant, il y avait eu Sailor Noise, qu'on pourra voir la semaine prochaine. J'ai très hâte. Et leur un extrait de leur album, leur premier disque, A Light, et la pièce Underground Ride. Et on avait en ouverture la pièce, justement, le groupe Overture de l'Italie. C'est une belle découverte. C'est vraiment excellent. Tout est là, la flûte, le violon, tout ça. Là. Puis ça ressemble un peu à Unreal City, mais en plus... élaboré, je dirais. En tout cas, c'est très bon. Overture, la pièce Lux et Umbra. On y va en pause et au retour, on aura un bloc scandinave. On vous en reparlera au retour de la pause. 89.1. Le 34e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 17 au 20 mai 2018. Au programme, William Parker, Mats Gustafsson, un hommage à Walter Boudreau de l'Infonie à la SMCQ, une soirée japonaise avec Few Psychobab, Afri Rampo et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux et une exposition d'art visuel. Du 17 au 20 mai 2018, venez vivre l'expérience du 34e FIMAV. Achetez des billets et informez-vous sur le fimav.qc.ca. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. Et de retour à l'émission Terra Incognita. Et donc, on y va pour un prochain bloc musical avec un doublé de la Norvège, deux groupes d'Oslo. C'est une coïncidence. C'est quand même la capitale. Il s'agit de Gazpacho, dont Michel nous en a fait découvrir un premier extrait en primeur il y a quelques semaines. Puis l'album sort cette semaine, le vendredi, officiellement sur K-Scope, l'album Soyuz de Gazpacho. Et c'est un album qui est très aérien, comme le titre peut probablement le laisser sous-entendre. On a l'impression de flotter dans l'espace, un peu, dans l'ambiance musicale. Et en tout cas, c'est un bon album. Franchement, on aura la pièce Soyuz One. Et ce sera suivi de Giorgio, qui est un groupe également plus récent, là. Giorgio, c'est leur quatrième album depuis 2015. Et cet album-là est paru sur Charisma cette année 2018, mais il était paru en 2017 officiellement, Jord. On aura une pièce, puis le titre est tout en norvégien, alors je n'essaierai même pas de le prononcer. Puis même pour le transcrire, là, c'est quelque chose. Vous irez sur notre site www.terraincognita.québec pour voir là, la liste des pièces qu'on fait jouer. Vous avez également accès au podcast de toutes les émissions, même des émissions antérieures. Là, vous pouvez aller dans les archives. Et vous avez plein de musique. Si vous avez manqué des émissions ou vous avez le goût de découvrir là, des trucs qu'on a fait jouer, mais tout est là, disponible sur notre site. Également les informations sur évidemment le festival Terra Incognita. Donc Gazpacho, Giorgio. On aura également un extrait de Arena du plus nouvel album là, de Mirror Lies, qui vient de nous présenter dans 2 semaines. Et de l'album Double Vision, la pièce de Mirror Lies. Et on aura également une pièce de Lazuli, le groupe français Lazuli, tiré de leur nouvel album. Et c'est l'album 8. Et ce sera la pièce Mes Semblables. Mais tout d'abord, le doublé là, le norvégien Gazpacho et Giorgio. We'll be right back. Storm för något väg utkommandens hav. En sån Thank you. dare to wear the emperor's clothes, but we see right through your games. You brag a thousand golden shows. There's a void behind these claims. You try to raise yourself so high by attacking those around. Every grain of truth is fried in your hunting ground. Spin and spin till your followers give in from the mouth of the wall. Spin and spin till your followers give in. Gotta sucker them all. On mange, on boit, on est, on meurt. vraiment excellente. Moi, je la trouve vraiment excellente, cette pièce de Lazuli, un groupe français. C'est tiré de leur plus récent album, Saison 8. Et c'est la pièce « Mais semblable ». On avait juste avant du Royaume-Uni, Arena, le groupe qui vient nous visiter dans deux semaines, le 26, au Cégep Garneau. Et c'est à ne pas manquer, là. Il y aura le 20e anniversaire de Visitor. Et évidemment... des extraits de ce nouvel album intitulé Double Vision. C'était la pièce de Mirror Lies. On avait eu juste avant un bloc norvégien avec Gaspacho pour débuter et Giorgio pour suivre. Et vraiment très bon, très bon. Giorgio, là, vraiment, moi j'adore ça. Faut dire que ça ressemble quand même un peu à d'autres groupes qu'on a connus, mais c'est un son qui est tellement intéressant quand il y a des belles compositions comme ça, là, on ne peut pas s'en passer. Alors, on y va avec quelques pauses et on vous revient après pour le dernier bloc symphonique de l'émission. CKRL 89.1. On jase ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Pis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22 heures passées. Puis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. Moi, je trouve ça décadent, là. Mais c'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22 heures, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Et de retour avec, comme je le disais, un bloc symphonique, en fait, deux pièces, dont un deuxième extrait de l'album de Perfect Beings, dont je vous ai parlé en début d'émission, Veer, V-I-E-R, le plus récent album. Et c'est la suite de Golden Ark avec les pièces Turn the World Off, America et For Proud of Flesh. Vous allez voir qu'il y a une très belle instrumentation dans ça. Il y a des invités avec des instruments évidemment acoustiques. Et l'orchestration est superbe dans cet album-là. Et également, on aura le nouveau Tony Banks. Tony Banks, vous le connaissez, le claviériste de Genesis. Et c'est son album qui vient tout juste de paraître, Five, 5. Mais c'est pas du tout son cinquième album, ça c'est spécial un peu. Et avec l'orchestre symphonique tchèque et les chœurs, conduit par dirigé par Nick Ingman. Et moi j'ai beaucoup aimé, pourtant c'est comme une musique de film, une épopée. Les compositions sont superbes, toutes superbes, intéressantes. J'ai beaucoup aimé. Et la pièce que j'ai pour vous ce soir, Réveil, écrit en français comme réveil, un peu spécial. Franchement, des longues suites, là, puis moi j'ai beaucoup aimé, franchement, Tony Banks. C'est pas du prog, là, c'est de la musique symphonique, classique symphonique, mais pour l'amateur de prog qu'on est, avec des ouvertures d'esprit. Je vous parlais de Lazuli tantôt, j'ai oublié de dire que dans le nouveau Progressiste, puis Jean-François vous en parlera dans deux semaines, là, ou deux ou trois semaines, en fait, parce que la semaine prochaine, c'est Vincent qui va nous remplacer, puisqu'on est au Festival Terra Incognita. Mais dans deux trois semaines, on vous en parlera du nouveau Progressiste. Il y a une entrevue avec Lazuli et évidemment un paquet de découvertes avec des compilations. Mais ça ne sera pas pour ce soir. On ira donc avec Perfect Beings et Tony Banks sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Thank you. I'm so hollow, could take Thank you.

Fiori Séguin. C'est évidemment le seul album qu'ils ont réalisé, 200 nuits à l'heure. Un album qui a été remasterisé à partir des bandes originales, rematricé. Et c'est la version XL, un peu comme ce qu'il avait fait avec l'Heptad. Et c'est très réussi, la sonorité est vraiment excellente. C'était la pièce « Ça fait du bien ». De cet album dont cette édition paraît aujourd'hui, est parue aujourd'hui ou hier, en fait, c'est en fin de semaine. Ça fait du bien de réécouter cet album-là. Juste avant, il y avait Tony Banks, un nouvel album. C'est pas du rock progressif, évidemment, c'est de la musique symphonique avec l'orchestre symphonique de Tchèque, et moi je l'aime beaucoup, il y a des belles mélodies dans ça, c'est des belles épopées, et on avait débuté avec Perfect Beings. Alors c'est déjà tout pour l'émission Terra Incognita, restez les nôtres, c'est KRL pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve dans quelques instants. Et on vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on est absent. Vincent nous remplace. On se retrouve dans deux semaines donc pour Terra Incognita. Et on vous donne rendez-vous au festival la semaine prochaine. Alors, à bientôt. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. 89.1 Québec. CKRL. Pour clore sa saison, l'Orchestre symphonique de Québec a le bonheur de recevoir l'un des plus grands pianistes canadiens reconnus internationalement, Marc-André Hamelin. Au programme, une œuvre d'une grande virtuosité, le célèbre concerto pour la main gauche de Ravel. Un concert présenté le mercredi 30 mai à 20h au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. Ne jetez pas vos vieux meubles. Faites-les rembourrer et recouvrir. Rembourrage Henri Bourassa vous offre un vaste choix de tissus, mousse et cuivre. Pour votre mobilier de salon, de cuisine, vos meubles antiques ou modernes, vos sièges d'auto ou moto. Des prix raisonnables, un service rapide, une estimation remboursable sur commande. Rembourrage Henri Bourassa. La qualité supérieure du fabricant depuis 1970. 88 529 35 85. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Julien, son travail de médecin se répercute dans son art. Julien Poitras, médecin d'urgence spécialiste, BDiste et directeur de la maison d'édition Moelle Graphique. C'est des projets qui se font en collaboration avec les auteurs. Et moi, comme éditeur, donc je regarde ce qui m'est proposé comme bande dessinée. Je vais entrer dans un échange, un dialogue avec l'auteur, essayer de définir quel serait le meilleur objet pour porter cette bande dessinée-là en termes de livre, en termes de relieu. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 17 au 20 mai 2018, CKRL 89.1 est fier de présenter le concert de Dalava le samedi 19 mai à 15h en première québécoise. Chant traditionnel de la République tchèque et musique inspirée du jazz actuel et du post-rock. C'est un rendez-vous le samedi 19 mai prochain à 15h pour le concert de Dalava à Victoriaville. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de